Section 39 des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Éternité. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans, dont tu te dégages, tu voles selon. Jamais l'espérance, pas d'orieture, science avec patience, le supplice est sûr. De votre ardeur seule, braise de satin, le devoir s'exhale, sans qu'on dise enfin. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Fin de la section 39. Cet enregistrement fait partie du domaine public.